étudier la psychologie des Noirs par leur musique, un intérêt scientifique qui tarde à émerger. Contrairement aux musiques des Amérindiens, qui font très tôt l'objet d'enquêtes de terrain et sont amplement documentées et enregistrées dès les années 1880, c'est ce qu'on avait vu dans les précédents épisodes, l'étude des musiques et des chants profanes des Africains-Américains se développe plus tardivement et de manière moins abondante. Parmi les raisons qui peuvent expliquer ce manque d'intérêt scientifique, on retrouve bien sûr des notions racistes. D'une part, l'idée selon laquelle les Noirs seraient incapables de produire des expressions méritant d'être étudiées, et d'autre part, que les Blancs seraient naturellement experts de la culture de leurs anciens esclaves. Cette deuxième supposition doit beaucoup à la grande vogue des spectacles de Blackface Minstrelsy, où des Blancs, puis des Noirs, se griment le visage et mettent en scène des représentations souvent comiques et grotesques de la culture des plantations. Tout au long du XIXe siècle, ces spectacles, promus comme de véritables expériences ethnographiques, font fureur aux États-Unis et aussi à l'international, et séduisent aussi bien les tenants du maintien d'une stricte hiérarchie raciale que les abolitionnistes et les défenseurs des droits des Noirs. À partir des années 1870, le succès des chorales noires de Spirituals offre quant à elle à un public urbain et sophistiqué une représentation plus sérieuse et respectable des musiques des anciens esclaves, démontrant leur capacité à être de bons chrétiens et donc à s'intégrer à la société moderne. Les spectacles Blackface et les chorales de Spirituals donnent à voir au public blanc des représentations acceptables des Noirs, qui ne remettent en tout cas pas en cause leur statut de subordonné et qui laissent à penser que leurs musiques sont plutôt bien connues. Le commerce de musique associé aux Noirs du Sud rural fera l'objet d'un plus ample développement par la suite. Plus tard dans le livre, je laisse donc pour l'instant de côté ce sujet pour retourner à la question des études et des collectes de musique noire, donc à but scientifique. Dans l'article inaugural de la fondation en 1888 de l'American Folklore Society, le folkloriste de Harvard, William Wells Newell, inclut le folklore de ce qu'il appelle les « American Negroes » aux objets d'études de la société. Je le cite « La masse importante de croyances et de superstitions qui existent au sein de ce peuple demande l'attention et présente d'intéressants et importants problèmes psychologiques en lien avec l'histoire d'une race qui, pour le meilleur ou pour le pire, est dorénavant une partie indissoluble du corps politique des États-Unis. » 20 ans après l'abolition de l'esclavage, alors que la ségrégation raciale est en cours d'institutionnalisation, la question de la place des Noirs émancipés dans la société est brûlante et imprègne toutes les entreprises de collecte et d'études de leur musique. Les premières collections de Negro Songs sont apparues pendant et tout de suite après la fin de la guerre de sécession. Elles étaient le plus souvent réalisées par des militants abolitionnistes ou bien des missionnaires, et étaient presque toutes consacrées à des musiques ou des chants religieux, donc les spirituals. C'est le cas de Slave Songs of the United States, premier recueil publié de chants d'esclaves, collecté dans les années 1860, sur l'île de Port-Royal, en Caroline du Sud, par trois abolitionnistes qui travaillaient pour le Freedmen's Bureau. Ce recueil ne contient presque pas de chants profanes, bien que, selon les auteurs, les Fiddle Sings, les chants au violon, et les Devil Songs, les chants du diable, sont encore très répandus dans d'autres régions du Sud. En montrant, par le choix d'un répertoire exclusivement religieux, que les anciens esclaves sont de bons protestants, les auteurs de ce recueil participent à légitimer la mission du Freedmen's Bureau, qui a été instituée en 1865 par le gouvernement fédéral pour dispenser une assistance économique et sociale aux esclaves nouvellement émancipés. À la fin du XIXe siècle, ce sont toujours les répertoires religieux du sud rural qui sont privilégiés par les chercheurs. Les chants profanes sont généralement rejetés dans le domaine de la musique de divertissement et sont jugés trop influencés par les musiques des Blancs pour constituer un objet d'étude légitime et ayant de l'intérêt, un intérêt scientifique. Au tournant du XXe siècle, quelques chercheurs vont cependant commencer à s'y intéresser, et c'est d'eux dont on parlera la prochaine fois. Pour l'instant, on s'arrête ici avec un extrait musical, enfin un morceau entier,